L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Le 1er juin prochain s'envolera à bord d'un cargo de ravitaillement de SpaceX, un instrument mi-télescope, mi-détecteur. NICER, Neutron Star Interior Composition Explorer, sera installé à bord de l'ISS pour étudier le rayonnement X en provenance des étoiles à neutrons pour mieux comprendre leur composition. Les étoiles à neutrons, résidus de supernova, sont des objets astrophysiques hors normes, où les quatre interactions fondamentales sont significatives simultanément. L'interaction nucléaire forte qui lie entre eux les nucléons, l'interaction nucléaire faible qui produit la désintégration des protons ou des neutrons, l'interaction électromagnétique qui dirige les effets du champ magnétique gigantesque qui y existe, et enfin l'interaction gravitationnelle très intense au voisinage proche de ces objets les plus denses que nous connaissons. Les étoiles à neutrons sont encore relativement mal comprises. Nous connaissons essentiellement leur masse et leur rayon, mais avec une précision de seulement 10% environ. À partir de ces données, les astrophysiciens ont élaboré des modèles pour décrire la physique qui gouverne les couches internes de ces objets défiant l'imagination. NICER a été conçu pour améliorer la précision des observations et ainsi tester et raffiner les modèles théoriques. NICER est constitué d'un multidétecteur de rayons X d'énergie comprise entre 0,2 et 12 keV, qui produira à la fois une information spectroscopique et temporelle avec une sensibilité encore jamais atteinte. Ces données pourront dévoiler l'origine de phénomènes dynamiques observables dans les étoiles à neutrons. La taille des étoiles à neutrons pourra être mesurée par NICER avec une très grande précision, une question clé que se posent les spécialistes depuis longtemps. La réponse à cette question du rayon des étoiles à neutrons permettra de tester la théorie de la physique nucléaire en explorant les états exotiques de la matière rencontrée dans ces objets. NICER prend la suite d'un précédent satellite de la NASA, RXTE, qui a été exploité entre 1995 et 2012. Le cœur de ce télescope détecteur est une collection de 56 concentrateurs optiques de rayons X, associé à autant de paires de détecteurs au silicium. Chaque concentrateur collectera les rayons X provenant d'une zone du ciel de 30 minutes d'arc au carré. Les détecteurs spectrométriques, eux, compteront les photons un par un en enregistrant leur énergie avec une résolution de quelques pourcents et surtout leur temps d'arrivée avec une précision de 100 nanosecondes seulement. Ces performances spécifiquement adaptées pour l'observation des étoiles à neutrons pourraient également être mises à profit pour étudier d'autres sources astrophysiques. Son système de pointage fondé sur un viseur d'étoiles permettra à NICER de pointer et suivre des objets sur un hémisphère. Des longues pauses sont d'ores et déjà envisagées, la mission devant durer au minimum 18 mois. Et en addition de ces objectifs scientifiques, NICER sera également utilisé en tant que démonstrateur de systèmes de navigation spatiale fondés sur le repérage par l'émission X des pulsars. Le projet dirigé par la NASA a pour nom Sextant, pour Station Explorer for X-ray Timing and Navigation Technology. Le lancement de la mission SpaceX CRS-11 a déjà été reporté plusieurs fois, initialement prévu pour le 1er février 2017, puis le 9 avril, puis le 14 mai. La nouvelle date du 1er juin vient d'être annoncée il y a 2 jours. Bon, une telle mission scientifique peut bien attendre quelques semaines. Vous pouvez retrouver un article décrivant l'instrument NICER. Donc je mets le lien en bas de ce billet par l'équipe de la NASA menée par Keith Gendrow. L'article a pour titre « The Neutron Star Interior Composition Explorer, Design and Development ». Et il est paru le 22 juillet 2016 dans les Proceedings of the SPI, Space Telescopes and Instrumentation. Allez, restez bien à l'écoute sur le www.sasepasselahaut.fr. Ça se passe là-haut, le blog où l'univers des télescopes spatiaux se contemple indéfiniment. Vous retrouvez cette émission sur iTunes, sur PodCloud, sur Stitcher, sur YouTube et dans vos flux RSS. D'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel. On peut peut-être apercevoir quelques télescopes spatiaux passer au-dessus de vos têtes. Et restez bien les pieds sur Terre. Allez, salut !